Les médias sud-coréens accusent Bakunin de la monopolisation des affaires d'État. La KBS a révélé le 25 octobre les relations entre Bakunin et les personnages influents en coulisses. Le journal Une Nation du 25, le journal Kyungyang Sinmun du 27 et le journal d'Internet La Voix du Peuple du 28 octobre ont donné respectivement un éditorial qui dénonce Bakunin. Par ailleurs, la Solidarité des citadins pour une société démocratique a publié le 27 octobre une déclaration titrée « Bakunin doit renoncer à sa fonction ».